Vous écoutez ? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL de 89.1 au cadran du poste et à ckrl.qc.ca sur la toile aux quatre coins de la planète. Gaëtan Gosselin au microphone, heureux de vous retrouver ce soir autour de création inspirée par cette passion que partagent de nombreux artistes du son et musiciens aussi, cette passion qui consiste à capter, enregistrer, emprisonner dans une machine, un enregistreur, et tout ça avec un microphone, enregistrer les sons ambiants qui nous passent par les oreilles. Et étrangement, on aurait pu s'attendre à ce que cette pratique de la captation sonore soit nommée phonographie aux premières heures de l'enregistrement, fin 19e siècle. Or, contrairement au mot photographie qui fera son chemin dans la culture populaire peu après son apparition, pour parler de la captation des lumières ou du réel avec l'appareil photo, l'expression phonographie restera à l'ombre du phonographe. Non pas une personne comme en photographie, le photographe, mais essentiellement un objet inventé à la fin du 19e siècle pour diffuser le sonore sans jamais vraiment prendre place dans le vocabulaire populaire et dans celui des pratiques artistiques. Alors, bien que le terme de phonographie émerge depuis quelques années dans le champ des arts sonores et de la musique aussi un peu, alors on utilise encore largement le terme anglais « field recording » pour parler des pratiques de captation sonore. C'est donc à cette enseigne des phonographies et des field recording contemporains que je vous convie ce soir à l'écoute de cinq approches phonographiques que nous propose l'artiste polonais Jakacek, le berlinois Jake Muir, l'argentin Pablo Pico et l'américain Kay Ruyan. Et pour débuter la soirée, on écoute une création de l'artiste japonaise Yoko Higashi. Je vous l'ai déjà présenté il y a peut-être plusieurs mois. C'est une trame sonore peuplée de voix en mouvement, inspirée d'un voyage en trois temps à travers le Japon. Elle nous propose, Higashi, ce soir, une œuvre intitulée « Tokyo, vue par ». Yoko Higashi est une artiste sonore et performeuse japonaise qui vit et travaille en France depuis plusieurs années. Alors, on écoute ce magnifique travail. Tokyo. Forêt d'immeubles de toute taille et de toute hauteur. Meiji Street. Tori Akagura Zaka. Aperçu en Kagura Zaka de voiture. Shita Machio Aluka. Gariba no Kibuner. Marchant dans la ville rétrécie. Un raccourci Meguro no Uramichi to et une brioche qui vaut un arrêt du métro. Glissé Ueno Kouen no iroaseta mama no fuukei ni Yoko no Jonny du parcours a été commencé. でぶつかることなく足早に目的地へと向かう飛行機。 Sans se bousculer, テレビゲームのよう un jeu vidéo。 Asakusa-eki no usugurai furui tamarikata. Au coin vieilli et sombre de la station Asakusa. Kippu no jishak no niyoi ga. L'odeur dément d'un ticket. Te no hira ni tsukawa. Se transmet à la paume de ma main. Il pleut à Tokyo. Avec mon costume du lycée, Oameda. Je vais voir un Bertolucci à Hibiya. Devant Tokyo, à Tokyo, une fille passe en voyant des SMS. Les gens passent sans aucun doute. Entre les gratte-ciels inexistants, il me donne une certaine fierté. Un shinkan attaéré de l'assurance. Je ressens de la joie pour la Shinjuku. Je ressens une familiarité méchante pour Shinjuku la nuit. Tokyo. Chibuhagu ni kiramek hoseki tachi ga atsumaru machi. Aujourd'hui encore, une bruine invisible tombe avec tendresse. Yoko Higashi, une œuvre intitulée Tokyo vue par magnifique création de cet artiste d'origine japonaise qui vit en France depuis plusieurs années, qui performe et qui est très actif. Alors, toujours dans cette idée de vous présenter des œuvres sonores inspirées de phonographie ou, bon, field recording, si vous voulez, je vous propose qu'on écoute le travail de l'artiste sonore Jake Muir. C'est un Américain qui vit à Berlin et qui travaille généralement avec des sons trouvés, mixés à des instrumentations numériques. On dit que Muir crée un art qui traverse les genres avec fluidité, encourageant la réflexion et provoquant parfois des états psychédéliques. Lorsque Jake Muir a quitté Los Angeles pour Berlin en 2019, les cloches des églises de la ville ont suscité un intérêt inattendu. Il a, dit-il, découvert Berlin à travers ses églises, enregistrant autant de concerts de cloches qu'il a pu pour s'intéresser ensuite à l'histoire des cloches, ce qui l'a conduit à travers l'Europe à la recherche des variations régionales et nationales des cloches. Alors, un travail assez captivant. Bon, je résume, mais cette démarche va se concrétiser dans cet album magnifique intitulé Campania Sonans. C'est un amalgame de sonorités fabriquées à partir d'un ensemble de cloches allemandes, envoûtantes et résonantes, bien sûr, étirées en un bourdonnement instable et entrecoupé des sons de la ville. Alors, c'est ce qu'on retrouve dans la documentation et ça reflète assez bien ce qu'on va entendre. Alors voilà, on écoute le premier des deux volets sonores de cet album, Campana Sonan, de l'artiste Jake Muir. Vous allez voir les transformations sonores de la cloche proprement dite dans un espèce de glissando très très subtil. Alors c'est très envoûtant. Alors on écoute ça. Voilà ce qui complète la première demi de l'émission en compagnie de l'artiste américain Jake Muir et son projet intitulé Campagna Sonane, des captations sonores de cloches qu'il réalise en Europe, en Allemagne notamment, et qu'il travaille, là, qu'il transforme, qu'il fait un peu dériver. Alors voilà, travail intéressant. Restez des nôtres, je vous reviens après un bref battement promo. À tout de suite. CKRL 89.1. Vous écoutez La Croche Oreille. On est de retour, vous écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL 89.1 qu'on trouve aussi sur ckrl.qc.ca sur la toile, Gaëtan Gosselin au microphone jusqu'à 22h en compagnie d'artistes sonores et de musiciens, musiciennes qui s'intéressent à l'univers de la captation ou encore de l'inscription sonore à partir de la prise de son en direct avec un micro, ce qu'on appelle depuis longtemps le field recording, qui trouve depuis quelques années un synonyme très intéressant dans le mot phonographie, un mot, selon l'artiste Pally Merceau, qui serait entré dans l'usage au tournant des années 70 par le créateur et théoricien français François Bayle pour décrire les ambiances anecdotiques des travaux de Luc Ferrari, autre artiste sonore de grande réputation. Alors, on commence à peine aujourd'hui à utiliser le terme, mais de manière, on va dire, homéopathique, en tout cas. C'est une longue histoire. Je vous reparlerai de tout ça, de ces appellations un peu contrôlées. En attendant, on écoute cette fois une création de l'Argentin Pablo Pico, un travail intitulé Aven Argentum, création inspirée de son compatriote argentin Roberto Stranek, capteur de son sur le terrain, pour créer ses propres portraits de la faune du pays. Vous allez voir, là, c'est très animalier. Alors que Stranek publiait de courts extraits de 30 secondes, enregistrements d'oiseaux et de grenouilles à des fins scientifiques, Pico, lui, laisse son enregistreur fonctionner 5 à 6 minutes, s'imprégnant, dit-il, de l'ambiance des animaux afin d'en faire un exercice davantage esthétique que scientifique. Son commentaire est également plus personnel. J'ouvre les guillemets. guillemets, il dit les chants suivants sont tirés du Bienteveo Rayado, enregistré par un après-midi d'été très ennuyeux de l'année 2025. Je referme les guillemets. Bon, il raconte ça en espagnol. Comme le, vous allez l'entendre d'ailleurs sur la trame sonore. Comme le suggère la critique, les enregistrements eux-mêmes sont tout sauf ennuyeux, bien sûr. Pico recueille les chants remarquables d'oiseaux comme la charata, le burlisto et le chiricot, notamment en brouillant avec beaucoup d'agilité la frontière entre écologie sonore et monde de l'art. Alors on écoute la première partie de Aven Argentum de l'artiste argentin Pablo Pico. Lo que está a punto de escuchar son sonidos de aves grabados en diferentes partes de Sal Si Puedes y la República Argentina entre el 2018 y el 2025. Primeramente vamos a escuchar a la Tajacaminos, grabado entre las 5 y las 6 de la mañana de un húmedo octubre del 2023, en Sal Si Puedes. Thank you. Los siguientes cantos. Los siguientes cantos son de un vendedor rayado, grabados en Villa Silvina, Sal si puedes, en una muy aburrida tarde de verano, en el año 2025. Propose cette fois une plongée en pleine nature, bon, dans la foulée ou en tout cas dans un enchaînement avec le travail qu'on vient d'entendre, celui de Pablo Picot. Donc, une plongée en pleine nature, un environnement de captation sonore qui est plutôt esthétisé, résultat de la démarche très sensible de l'Américain d'origine indienne qu'est Rouyan, grandement inspiré, dit-il, par l'artiste et peintre sonore Noud Victor, bien que les univers sonores qu'il évoque soient bien différents dans ce projet intitulé Nadayan, enregistré au confluent des rivières Yakima et Natchez dans l'État de Washington. Nadayan, qui signifie « rivière » en hindi, est une immersion sonore plutôt harmonieuse qui résulte de phonographies du monde réel et du monde naturel qui sont plutôt chaotique. On y entend le bruit de l'eau qui coule, le clapotis des vagues, le tintement du verre, des vibrations industrielles. Pour résumer, on y retrouve des moments d'une rare beauté qui émerge, raconte l'artiste, elle, des îlots de paix. Nadayan canalise ainsi la vitalité débordante de la terre ainsi que la violence brutale de sa colonisation, donc un point de vue très engagé dans ce travail de captation sonore soi-disant esthétisé. Alors, on écoute ça. Thank you. Très beau travail intitulé « Rivière » de Kepe Rouyan, « Rivière » qui est le titre de la création qui s'intitule « Nadayan ». Et pour clore cette émission peuplée de phonographie, de field recording, de termes synonymes, je vous propose l'écoute d'un beau projet de phonographie magnifié cette fois. Projet réalisé par le Polonais Michal Jakacek, connu et reconnu pour ses collages minutieusement élaborés de textures électroniques et d'instruments baroques. Bon, son dernier projet s'intitule Idylla, le troisième volet d'une trilogie d'enregistrements basée sur des phénomènes naturels. Vous allez voir, il avait fait le catalogue des arbres et le catalogue des oiseaux. Je vous en ai présenté des extraits il y a plusieurs mois. On raconte qu'Idylla pousse encore plus loin l'approche unique de Jakacek, qui utilise ici la technologie MIDI pour isoler les sons clés, pour ensuite les reproduire à partir d'instruments classiques et des traitements vocaux. Jakacek souligne qu'il s'agit d'une métaphore à propos de la disparition graduelle du monde naturel, à propos de l'extinction des espèces. Alors on écoute la piste « Far in the Distance » de cet album « Idylla » de Michal Jakacek. On écoute ça. Thank you. Et bien voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie des artistes Yoko Higashi, Michal Yakacek, qu'on écoute en arrière-plan, Jake Muir, Pablo Pico et K.P. Royan. Grand merci aux artistes de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres. Cela dit, vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site Lacroche-Oreille. Vous trouverez ça facilement sur la toile et puis toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant pour écoute quand ça vous tente. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, pour une autre aventure sonore. On termine la soirée sur des sonorités de Yakacek, tiré de cet album magnifique, Idylla. Alors voilà, depuis les studios de CKRL dans le quartier Limoilou à Québec, au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.